Hey, Theresa Spence, là. L'Autochtone, quand même, bien enrobé. C'est terminé, hein? Eh oui, elle a quitté. C'est terminé, hein? Beauvril, no more. Elle va s'en aller. Il n'y a plus de Beauvril. Beauvril, no more. Elle voulait quitter dans la dignité, là. Je ne sais pas exactement c'était quoi les barèmes, là, pour pouvoir quitter dans la dignité. Excuse-moi, là, on va-tu piquer un snack à soir, hein? Ouf! Ouh! On ne peut pas être là pour ramasser le restant, moi, là. Ça va être bon. On peut pas être là pour ramasser la vaisselle, moi. Oh! On va aller, on a besoin de lingettes. Un petit peu de caribou, mais un petit peu, besoin de des petites lingettes du Saint-Hubert. Hein, des petites lingettes du Saint-Hubert. Va t'envoyer des wings. Oh boy. Excusez. Dis-en vite.